Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la catastrophique présidence d'Herbert Hoover. En Amérique aujourd'hui, nous sommes plus près du triomphe final sur la pauvreté qu'aucun autre pays dans l'histoire ne l'a jamais été. Nous n'avons pas encore atteint le but, mais si on nous donne la chance de poursuivre la politique menée ces 8 dernières années, nous serons bientôt, avec l'aide de Dieu, en vue du jour où la pauvreté sera bannie de cette nation. Quand il devient candidat républicain à l'élection présidentielle de 1928, Herbert Hoover est convaincu que son pays en a fini avec la pauvreté. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait lu en français de son discours de couronnement à la Convention républicaine du mois d'août 1928. Herbert Hoover sera facilement élu président des États-Unis 3 mois plus tard, mais quand le krach boursier de 1929 précipite l'Amérique dans la Grande Dépression des années 30, Herbert Hoover est complètement dépassé par les événements, à un point tel qu'il deviendra probablement le président le plus déconnecté de toute l'histoire des États-Unis. Le 20 octobre 1964, Herbert Clark Hoover, 31e président des États-Unis, c'était à New York. Il est âgé de 90 ans et il a la distinction d'avoir survécu plus longtemps que tout ancien président à son départ de la Maison-Blanche. En 1919, déjà, Herbert Hoover jouit d'une telle réputation comme homme d'affaires et haut fonctionnaire que les deux grands partis américains, le républicain et le démocrate, lui offrent l'investiture sur un plateau d'argent. Hoover se déclare républicain et refuse jusqu'en 1928 de se porter candidat à la présidence. Il n'aurait pas pu choisir un plus mauvais moment pour devenir président. Extrait de l'émission « Déjà 20 ans » du 2 novembre 1984, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du président Herbert Hoover, le journaliste animateur Pierre Nadeau rappelle, vous l'avez entendu, rappelle brièvement dans cet extrait l'énorme popularité dont bénéficiait Herbert Hoover avant de devenir président en 1928. Pierre Nadeau qui rajoute également dans cet extrait qu'Herbert Hoover n'aurait pas pu choisir pire moment pour devenir président, bien sûr à cause de ce qui allait venir l'année suivante, après son élection, cette crise économique catastrophique des années 30 aux États-Unis, mais aussi probablement à cause de cette inaptitude qu'il aura à gérer cette crise et qui dépend beaucoup finalement de sa pensée économique et politique. Pour nous parler de la très difficile présidence d'Herbert Hoover, je reçois l'historien André Champagne, collaborateur régulier à l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour, monsieur Beauchamp. Qu'est-ce qui reste, André Champagne? Je ne sais pas si on peut parler d'un des pires présidents, mais en tout cas, qu'est-ce qui reste dans la mémoire américaine de cette présidence d'Hoover? C'est le self-made man qui a été complètement dépassé par la crise économique, qui croyait que cette crise-là était temporaire et que la loi de l'offre et de la demande allait faire son effet et que, somme toute, le gouvernement n'avait pas à intervenir. Ouais. Faut dire que de 1920 jusqu'à 1928, ce qu'on les Américains appellent les Roaring Twenties, donc cette espèce de décennie rugissante de très grande croissance économique où les États-Unis, la société américaine s'était enrichie, où les grands capitalistes, les grands bourgeois s'étaient considérablement enrichis, mais hélas, les salaires n'avaient pas suivi. Oui. Et cette réalité-là va rattraper Hoover et l'économie américaine en 1929. Mais vu, au fond, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vu de sa perspective à lui, qui est multimillionnaire avant d'avoir 40 ans, quand il fait ce discours d'investiture à la Convention républicaine en août 1928, avec ses 10 dernières années ou 8 années de prospérité des années 20, vu de la grande bourgeoisie américaine, ce rêve d'éliminer la pauvreté, dans leur perspective à eux, c'est plausible. Oui, c'est plausible, d'autant plus que depuis quelques mois, parce que la grande spéculation boursière qui va mener au crash d'octobre 1929 a commencé justement au printemps 1928 et on voit poindre à l'horizon cette espèce de possibilité pour une grande partie de la population américaine de s'enrichir. Oui. Et étant parce qu'il y a des petits investisseurs, là, exactement, dans la bourse de New York. Ce sont de petits investisseurs qui réalisent, qui peuvent remporter des sommes assez importantes. Et cette espèce de spéculation boursière-là crée une espèce de fièvre qui peut faire croire que oui, c'est possible, la prospérité pour tout le monde. Oui. Mais il faut se reporter dans le contexte. Et au moment où il remporte l'investiture, donc à l'été 1928, les indicateurs sont quand même plutôt positifs. Oui. On y reviendra parce qu'il y aura une brisure vraiment qui va suivre son élection à la présidence. Élection facile, ça va s'écrouler, mais de manière assez spectaculaire. Mais revenons peut-être au début pour comprendre un peu mieux à qui on a affaire. Qui est-il, ce jeune Herbert Hoover d'abord? Il est né en Iowa en 1874. Il appartient à quel milieu? Écoutez, son père était forgeron et il vendait du matériel agricole. Somme toute, une origine très modeste. Man. Oui, pour les Américain, il est l'incarnation du self-made man. Sauf que son père meurt quand Herbert a 6 ans. Sa mère s'éteint 4 ans plus tard. Donc, il est pris en charge par son oncle John Minton, qui est un médecin et qui, lui, vit dans l'Oregon. Donc, c'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile et qui a appris, étant donné son éducation Quaker, a appris les vertus du travail et de l'épargne. Donc, il entre à l'université Stanford en ingénierie et en géologie. Il est remarqué assez rapidement par un prof qui s'appelle John Bremer et qui lui fait faire du travail de géologue dès ses premières études d'université. Et en 1895, lors de sa graduation, grâce au contact de Bremer, il est engagé par une compagnie minière qui opère en Australie. Et c'est le début d'un parcours exceptionnel. Pourquoi? Parce que Hoover, c'est un homme qui va apprendre, qui va développer un talent pour reprendre des mines pratiquement abandonnées et introduire dans ces mines-là des nouvelles technologies qui permettent justement de rentabiliser ces mines-là. Et il va développer une expertise internationale tant et si bien qu'il va opérer sur plusieurs continents. Écoutez, je vais vous lire son parcours parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors, il débute en Australie en 1895-1898. Ensuite, il passe en Chine en 1899. 2 ans plus tard, il est au Japon. L'année suivante, il est en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il va travailler en Inde. En 1904, il est en Rhodésie, en Afrique du Sud. En 1905, en Égypte. En 1907, en Birmanie et en Malaisie. 1908, en Italie. 1909, en Russie. Et finalement, 1910, en Corée et en Allemagne. Et il ne fait pas que travailler dans ces pays. À chaque fois, il fait un coup d'argent. Il fait des coups d'argent. Il s'enrichit considérablement, tant et si bien qu'au moment où la guerre éclate en 1914, sa fortune personnelle est évaluée à 4 millions de dollars. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, étant donné qu'il est Quaker, étant donné qu'il croit aux vertus de l'épargne, mais il croit également que quand tu t'es enrichi, tu as un devoir envers la société, tu dois remettre. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au moment où la guerre éclate, en août 1914, il y a entre 100 et 120 000 Américains qui sont coincés en France et sur le continent européen, qui sont complètement désemparés, étant donné la déclaration de guerre. Des touristes, en gros. Des touristes. Alors, ils décident tout simplement, en collaboration avec le gouvernement américain, d'organiser leur rapatriement aux États-Unis. Ce qui veut dire leur trouver de l'argent, trouver des billets sur les paquebots qui font la navette entre le continent européen. Et il va faire ça sans rien demander, uniquement par geste humanitaire. Et ça va être déterminant pour lui, parce que là, il entre dans une période, ça va durer tout le temps de la Première Guerre, sa carrière prend une autre vocation. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il s'est démarqué par le rapatriement de ces Américains-là, quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, le président Wilson lui demande de gérer le problème de l'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, à ce moment-là, doivent ravitailler la Grande-Bretagne et la France et aussi la Belgique, dont une grande partie du territoire est occupée. Donc, il gère la gestion alimentaire aux États-Unis et les exportations alimentaires en direction de l'Europe. Et finalement, il va mettre en œuvre un programme d'aide alimentaire à la Belgique, parce que la Belgique, 70% de son territoire est occupé, et c'est lui qui va veiller à ravitailler la population belge, et il aura à négocier avec les autorités d'occupation allemandes. Donc, il va développer une espèce de talent de diplomate qui est extraordinaire, et étant donné l'expertise qu'il a développée dans l'industrie minière, étant donné qu'il a des réseaux un peu partout sur la planète, il jouit d'une réputation d'homme honnête. Ouais. Alors, conséquemment, il peut mener cette tâche-là. Ouais. En 1920, il est tellement populaire qu'il est courtisé, autant par les démocrates que par les républicains. Les démocrates rêvent d'un ticket Franklin Delano Roosevelt, candidat à la présidence, mm-hmm. et Herbert Hoover qui prête son coulissier. Parce qu'à ce moment-là, les relations sont bonnes entre les deux parce qu'ils ont tous les deux travaillé pour l'administration Wilson. Finalement, il refuse parce qu'il se sent beaucoup plus près des républicains. Ouais. Alors, en 1920, c'est Warren G. Harding qui est élu président et il le nomme secrétaire au commerce. Il va être là deux mandats. Deux mandats. Il va travailler sous Harding qui s'éteint deux ans plus tard. Donc, il va travailler sous son successeur Coolidge qui est lui-même élu président avec, en 1924. Un bon succès. Avec un bon succès, d'autant plus qu'en tant que secrétaire au commerce, il aura à gérer le programme d'aide alimentaire américain à la Russie soviétique. Et à toute l'Europe centrale. Et à l'Europe centrale au lendemain de la guerre. Donc, c'est un homme qui va développer une espèce d'expertise dans l'aide humanitaire. Mais ce qui est intéressant, qui peut expliquer un peu son comportement une fois qu'il sera président, c'est qu'il a toujours été nommé. C'est un homme qui n'a jamais été élu. C'est un homme qui... Il résiste, en fait. Exactement. Puis il est reconnu comme un homme qui est foncièrement pragmatique, mais c'est un donneur d'ordre. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est habitué à négocier avec le Congrès, et notamment. Ça, bien sûr, ça va lui jouer de vilain tour. On va y revenir dans un instant, mais arrivons à cette fameuse... au moment où il décide que, d'accord, c'est bon, ça fait 8 ans que vous me demandez d'être candidat. Là, j'y vais. En 28, il devient donc le candidat républicain à la présidentielle. Et il remporte l'élection présidentielle, mais vraiment... très facilement, André Champagne. Qu'est-ce qui explique à ce moment-là un tel succès? Il y a deux raisons. On l'évoquait tantôt, la prospérité. En 1928, les États-Unis traversent une période de très grande prospérité. Il fait campagne en disant, exactement. Notre recette, elle marche, on va la continuer. Exactement. Et c'est ça qui exactement. Fait qu'on va éliminer la pauvreté. Exactement, parce que pour lui, cette prospérité-là résulte des politiques mises en œuvre par les administrations républicaines de Harding et de Coolidge. Et l'autre facteur qui l'aide considérablement, c'est que le candidat démocrate en 1928, c'est l'ancien gouverneur de l'État de New York, Al Smith, qui est un Irlandais catholique, qui a eu 4 mandats à titre de gouverneur de l'État de New York, mais qui est reconnu comme un catholique, donc on va évoquer le complot papiste, mais qui est aussi un opposant à la prohibition. Ah bon? Alors, dans les États du Sud puis dans les États du centre des États-Unis, le simple fait de s'afficher comme étant opposé à la prohibition et le simple fait de venir de la ville de New York et de l'État de New York, donc, à ce moment-là, il y a un ressentiment très fort dans l'Amérique rurale contre le cosmopolitisme des grandes villes et plus particulièrement New York. Mm-hmm. Donc, Al Smith, à toute fin pratique, n'avait à peu près aucune chance d'être élu et il y aura même des manifestations du Ku Klux Klan lors de certains de ses discours. Pourquoi? Parce que le Ku Klux Klan et pas juste contre les Noirs, il est également anticatholique. Puis évidemment, les États-Unis sont pas encore prêtes. Ça prendra quelques décennies encore. C'est John Kennedy en 1960. Et même là, il sera même accusé pendant la campagne présidentielle d'être au service de la papauté, d'être un agent du pape. Et ce sera lui donc le premier catholique élu président. C'est Hoover, ça profite à Hoover. Il devient président en 28. Et là, très rapidement, sa présidence va virer à la catastrophe à cause, bien sûr, de la Grande Dépression. On y arrive dans un instant. Mais aussi, André, parce que, vous le disiez, c'est un donneur d'ordre, cet homme-là, homme d'affaires accompli, mais il n'y a pas les qualités, au fond, qu'il faut pour être un leader politique. Pas du tout, parce que l'idée d'avoir à composer avec le Congrès, même s'il est majoritairement républicain en 1928, l'idée de composer avec le Congrès, l'idée de composer avec les syndicats, l'idée de composer avec les banques, avec les musées, ça c'est relativement facile pour lui, mais il y a quand même des groupes avec lesquels c'est extrêmement difficile. Et on le dit, c'est un donneur d'ordre. Mais ce qui est vraiment problématique pour lui, c'est que étant donné qu'il s'est enrichi par ses propres moyens, il se dit, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Il croit donc aux vertus du travail, aux vertus de l'épargne, et il est convaincu, en bon penseur, en bon tenant du libéralisme économique, qu'il faut faire confiance au marché, que les crises sont purement conjoncturelles, les crises viennent de façon récurrente, donc il faut faire confiance au marché, que le système américain est fondamentalement sain et que, somme toute, cette correction boursière-là va tout simplement permettre d'assainir l'économie américaine, d'éliminer les compagnies qui n'avaient pas la santé financière pour continuer à opérer. Et donc, il ne voit pas de nécessité pour intervenir. Cependant, il va rencontrer les grands patrons d'industrie, il va rencontrer les grands banquiers, il va leur demander de continuer à injecter de l'argent. Il va demander, par exemple, aux constructeurs automobiles de ne pas réduire les salaires, de ne pas réduire les heures de travail pour maintenir une certaine masse salariale qui permet de consommer. Ça peut durer peut-être pendant les six premiers mois, mais attention, écoutez ceci là. Le revenu national, qui était de 98 milliards en 1929, a chuté à 49 milliards en 1932. Les chiffres, c'est ça, mais ne les voit pas. Non, il croit même qu'il va même dire, en 31 et 32, que les chiffres de chômage sont exagérés. Oui. En fait, c'est ça, il y a deux choses, en fait. Il y a le diagnostic qu'il est incapable de poser, et puis la solution. Il ne croit pas du tout à l'investissement public, ça, on y arrive dans un instant, mais sur le diagnostic, écoutez, on est presque dans la pensée magique. Et dans la lecture simpliste. En tout cas, écoutez un extrait de discours d'Hoover à la radio en octobre 1931. This is a time, and this is an occasion when we must arouse the idealism. C'est l'heure et c'est l'occasion de susciter cet idéalisme, cet esprit, cette détermination, cette unité d'action. Il ne peut y avoir d'échec dans cette obligation principale de tout homme envers son prochain et d'une nation envers ses citoyens, dont aucun ne mérite de souffrir. And of a nation to its citizens, that none who deserve shall suffer. I would that I possessed the art of words. J'aimerais posséder l'art des mots pour résoudre le véritable problème auquel le monde troublé est confronté aujourd'hui dans l'esprit et le cœur de chaque homme et femme américain. Une partie de notre souffrance nationale est cette incapacité de porter attention aux lois primaires et inexorables des relations humaines. La société moderne ne peut pas survivre en se défendant comme Caïn, qui disait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Modern society cannot survive with the defense of Caïn. Am I my brother's keeper? S'aider, être de meilleurs hommes, l'entraide, c'est ça la solution. C'est du grand simplisme. C'est du grand simplisme. Écoutez, Rexford Togwell, qui était un de ses conseillers, a dit ceci. Nous croyons avoir affaire à un ingénieur. En réalité, nous avions affaire à un philosophe, à un moralisateur. Oui. Puis en plus, André, non seulement il voit pas, il ne comprend pas ce qu'est en train de vivre l'économie américaine, mais c'est un ultra-libéral. Il a écrit un livre déjà dans les années 20 pour décrire sa pensée économique, individualisme. Il ne croit pas du tout à l'intervention du gouvernement dans l'économie. L'intervention pour aider les banques, pour aider les grandes corporations. Oui, là, il est d'accord. Mais pour aider les individus, pour aider les familles, il est totalement opposé à ça. Pourquoi? Parce qu'il croit que si le gouvernement accorde de l'aide sociale ou de l'assurance chômage, on va développer la culture de l'assistanat. Oui. Donc, on va développer la culture de la dépendance. Là, dans cette vision du rôle du gouvernement, il est un républicain typique. Il est vraiment... Il est dans cette pensée qui provient du 18e, 19e siècle. Oui. Le gouvernement n'a pas à intervenir pour aider les familles. Donc, il croit que c'est aux municipalités et aux États de créer des programmes d'aide aux démunis, aux pauvres. Et il y a ce qui va symboliser la présidence de Roosevelt, ce sont les fameuses Hoovervilles. C'est-à-dire, étant donné que le gouvernement n'intervient pas pour aider les chômeurs, aider les pauvres, on va voir dans les parcs des grandes villes, on va voir se développer des espèces de bidonvilles, de maisons en carton, de maisons en bois, qu'on va appeler les Hoovervilles. Oui. Et il va même refuser en 1932 d'accorder le fameux bonus aux soldats américains qui s'étaient enrôlé pendant la Première Guerre mondiale et qui devait recevoir un boni pour avoir participé à la guerre. Il y en a 20 000 qui vont converger vers Washington, qui vont implorer le gouvernement de verser l'argent qui avait été promis pour 1945, mais de la verser en 1932 étant donné les circonstances, et il va refuser catégoriquement. Donc, beaucoup de facteurs qui vont conduire au fond à sa défaite. Il va devenir très rapidement impopulaire. Une pensée idéologique inadéquate pour répondre à cette crise. Une froideur, une intransigeance aussi de la part d'Hoover. Donc, défaite à l'élection présidentielle de 1932. On l'écoute tout de suite après, dans un discours qu'il prononce à New York en février 1933. The Republican Party has ever been the party of constructive action. It will support the new administration in every measure which will promote public welfare. It must and will be vigilant in opposing those which are harmful. Herbert Hoover qui s'engage donc dans ce discours à soutenir des décisions du président Roosevelt qu'il va juger favorables au bien-être public, mais il prévient qu'il va aussi s'opposer aux décisions qu'il va juger nuisibles à l'intérêt public. Dans les faits, André Champagne, quelle position il va adopter Hoover face aux politiques de Roosevelt, au New Deal en particulier? Bien, tous les programmes d'intervention du New Deal, il va les critiquer systématiquement. Il va reprocher à Roosevelt de dilapider les fonds publics, d'injecter de l'argent que le gouvernement fédéral va être obligé d'emprunter. Et pour Roosevelt, il y avait une espèce d'absolue nécessité d'équilibrer le budget. Ouais. Donc, étant donné que tous les programmes de création d'emplois du New Deal nécessitaient justement des déficits, entraînaient des déficits, il va critiquer systématiquement toutes les mesures adoptées par le président Roosevelt. Et il dira que l'interventionnisme du gouvernement dans l'économie peut mener les États-Unis vers la dictature. Donc, il est toujours resté dans cette vision-là, puis c'est quand même assez intéressant parce qu'à chaque convention républicaine, jusqu'en 1960, il sera invité comme un des principaux communicateurs. Il est appelé à faire un discours et systématiquement, c'est pour critiquer les politiques des démocrates. Parce qu'il y a quelque chose quand même là-dessus. C'était pas le moment dans cette grande dépression des années 30, mais il y a quelque chose qui appartient à cette doctrine républicaine de du moins d'intervention possible. Il n'est pas complètement déphasé par rapport à son parti. Revenons à... Puis on termine l'émission sur un grand paradoxe. André Champagne, Herbert Hoover, en fait, qui, on l'a vu, a participé à l'aide humanitaire consentie à l'Europe après la Première Guerre mondiale. Comment expliquer ce paradoxe formidable, André Champagne, un homme qui est complètement insensible à la misère que vivent les Américains quand il est président durant la Grande Dépression? Pour une raison relativement simple à ses yeux. L'aide que les États-Unis apportaient à la Belgique, aux pays d'Europe centrale, notamment l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, l'aide apportée au régime soviétique, pour lui, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que c'était des gouvernements incompétents, des gouvernements incapables de venir en aide à leur population. Alors les États-Unis, pays riche, pays exceptionnel, parce qu'il croyait à l'exceptionnalisme américain, les États-Unis avaient, selon lui, le devoir de venir en aide à ces gens-là, à ces populations-là. Alors qu'aux États-Unis, étant donné que c'était les États-Unis, étant donné que c'est un pays au destin exceptionnel, il n'était pas question de venir en aide à la population. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tantôt, on risquait de développer cette mentalité d'assistanat. Et à ses yeux, ça allait contre le caractère national américain qui originait de ces pères pèlerins qui est arrivé sur la côte atlantique au 17e siècle. Ouais. Aujourd'hui, André Champagne, on boucle la boucle, mais comment il est perçu? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un des présidents, l'un des pires, les plus inadéquats, en tout cas? C'est une question de point de vue. Pour les historiens qui sont plutôt libéraux et démocrates, c'est sûr qu'il est l'incarnation de l'incompétence au pouvoir, alors que pour des historiens de tendance républicaine, les déficits budgétaires des années 80 et suivantes semblent donner raison à la position de Hoover qui refusait l'intervention du gouvernement. Puis il y a un petit vent de réhabilitation là, dans les milieux conservateurs. Il y a certains historiens, dont le professeur Nash, qui est en train de faire une biographie monumentale, qui lui est convaincu que Hoover a adopté les bonnes mesures pendant la dépression. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.